This is Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM HD Minneapolis, St. Paul. Online at kfai.org. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis, Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis, Saint-Paul and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Adrien, bonjour Freddy. Comment Merci ça va? Merci de nous écouter, ça va. Et toi Romain? Eh ben ça va bien. Bah ouais, très. Moi aussi. Et tout Freddy va bien aussi, excellent. Ouais. Quand la santé va, tout va. Tout va. Voilà, oui. Welcome everyone. Yeah, and this week it's a pledge drive week. Ta-da! Ouais. Voilà. Yeah, KFAI the summer pledge drive. So this is the pledge drive, and typically in the summer it's a weekly pledge drive. We're going to play some music about money, and you can donate at kfai.org. Yes. Yes. Exactly. Is there going to be laissez barrier? Y a plus de sous? Yeah, I was thinking about starting with it. No, because then, I mean, that's like our, you know, we can't have a pledge drive without a laissez barrier. Yeah. It's a classic. Bonjour Minnesota. It's a classic. Mm-hmm. Every pledge drive. Yeah, there's that. I wanted to play, before we play music about money, I wanted to play some music in homage or in tribute to people who passed away. We're going to play La Danse des Canards from Gigi Lionel. And La Danse des Canards is the dancing ducks. Yeah, or that's the chicken dance. It's chicken dance. It's the same air. Popular. So most popular French song. He passed away. Was in his 80s. Yeah. I mean, when was the Danse des Canards? Like 1982, something like yes. that? No, mm-hmm. I think it was, I thought it was sooner than that. What's interesting is La Danse des Canards was not written by this French guy. It was not written by the guy who released the Chicken Dance, but it was actually a Swiss folk song. That was, I think, 1955 or 1957. That had been created by an accordionist. So J.J. Lionel, who just passed away, that was the best seller in terms of French or Francophone songs back in the 80s. Oh, wow. 1981, and it was in the Guinness Books of Records in 1983 as the Francophone song that sold the most in France in the 80s. Mm-hmm. But this song, you heard it like in every wedding and every party. And I think you, to some extent you still do. Yeah, it's possible. All right. Well, the other person who passed away is Zizi Jeanmaire. And we're going to play two songs of Zizi Jeanmaire. She was the La Reine du Cabaret. Mm-hmm. And one of her most famous songs was Mon Truc en Plume. And the other song we're going to listen is Vamp and Vampire, Vamp et Vampire. And it was in one of the album giving tribute to Serge Gainsbourg. Mm-hmm. And she was the meneuse de revue in a lot of cabaret shows. Like there was one I remember in particular back in the 80s called Hollywood Paradise. And mm-hmm. those were shows like the Moulin Rouge, I mean, that type of cabaret shows. And so she was a dancer. She actually started as a ballet dancer, and she was also a singer. Nice. Yeah. Yeah. And the other one we're going to pay tribute to is Ennio Morricone. And even though he did a lot of movies, a lot of songs for movies that were like in English or in Italian, one of the one I selected is Le Vent, Le Cri, The Wind, The Scream? Yeah, The Scream, I think. And it's from The Professional. Mais, is it The Royal Canin? Yes. Yeah? So mm-hmm. The Royal Canin is the commercial for the dog. Yeah, for dogs. Yeah, yeah. Yep. And they use that same song. And the Professional is called Le Professionnel, and it's not the same movie because later on, The Professional that was the movie Leon. The movie we call Leon in France was called The Professional, and this one is an older movie from the 80s, I think, 80s or 90s. And Le Professionnel avec with Jean-Paul Belmondo. That's okay. Bebel. Bebel. Where he was like a... Qui est toujours en vie. We're still alive. Oh, yeah. Bebel is doing well, yes. He's in the south of France. George Lautner, 1981, Le Professionnel. Yeah. Okay, so let's start with the music. Yes, let's start with the music about the tribute. And then after that, the money and some other music along the way. And a little bit later, we'll talk about the event. Okay, bon, c'est parti, mon kiki. On y va. The first song we're going to listen to is going to be from Gigi Lionel, and it's going to be La Danse des Canards. Gigi Lionel, ou Gigi Lionel, nous a quitté cette semaine. Gigi Lionel passed away this week, and he had a translation of The Chicken Dance, or the equivalent of The Chicken Dance. Then we're going to listen to Zizi Jeanmaire avec Mon Truc en Plume, My Thing in Feather, and Vamp et Vampire. Still from Zizi Jeanmaire, who also passed away this week. And 2 to 3 weeks ago, Ennio Morricone passed away. And this song that I'm going to play is Le Vent, Le Cri, from the movie Le Professionnel, or The Professional, from 1981 with Jean-Paul Belmondo. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des rames et font coin coin. Faites comme les petits canards et pour que tout le monde se marre, remuez du popotin en faisant coin coin. À présent claquez du bec en secouant vos plumes avec, avec beaucoup plus d'entrain et des coin coin. Allez mettez-en un coup, on s'amuse comme des petits fous. Maintenant pliez les genoux, redressez-vous. C'est la danse des canards, les gamins comme les loupards vont danser ce gai refrain dans tous les coins. Ne soyez pas en retard, car la danse des canards, c'est le tube de demain. Coin, coin, coin, coin. Il suffit de fermer son bec en mettant ses plumes au sec. Liez les genoux, c'est bien. Et faites coin, coin. Ça y est, vous avez compris. Attention, c'est pas fini. Nous allons jusqu'au matin faire des coin, coin. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secoue le bas des rames et font coin coin. À présent claquer du bec en secouant vos plumes avec, avec beaucoup plus d'entrain et des coin coin. C'est la danse des canards, c'est dément et c'est bizarre, c'est terribilos comme tout, c'est dingue, c'est tout. Allez mettez-en un coup, on s'amuse comme des petits fous. Maintenant pliez les genoux, redressez-vous. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secoue le bas des rames et font coin coin. Faites comme les petits canards et pour que tout le monde se marre, remuez du popotin en faisant coin coin. C'est la danse des canards, les gamins comme les loupards vont danser ce gai refrain dans tous les coins. Ne soyez pas en retard car la danse des canards c'est le tube de demain. Coin coin coin coin. Rien qu'en passant, le sang. Montrez qu'en plume, ça vous caresse avec adresse, tout en finesse. Moi je vide ma plume et je plume le bitume, et c'est au clair de la lune que j'allume les pierrots. Ah, ah, ah. Mon truc en plume, plume de panthère à milliardaire. Mon truc en plume, ça fait rêver. Sacré, faut pas toucher. Ah, ah, ah. Mon truc en plume, viens mon brigand, dormir dedans. Mon truc en plume, c'est pas sorcier. L'amour, Bicos toujours. Bicos très belle, Bicos cocktail, Bicos au bar, Bicos dollar. C'est vampé, c'est vampire, on peut pas rêver pire. C'est vampé, c'est vampire, ça te suce et t'expire. Gershwin, Bicos Berlin, Bicos magique, Bicos musique. Bicos smoking, Bicos dancing, Bicos baiser, Bicos monnaie. C'est vampé, c'est vampire, on peut pas rêver pire. C'est vampé, c'est vampire, ça te suce et t'expire. Bicos fourrure, Bicos bijoux, Bicos de tout. Bicos ça change, Bicos un ange, Bicos déchu, Bicos perdu. C'est vampé, c'est vampire, on peut pas rêver pire. C'est vampé, c'est vampire, ça te suce et t'expire. It was Gigi Lionel with La Danse des Canards, Zizi Jeanmaire with Mon Truc en Plume, and Vamp et Vampire, and then Ennio Morricone with Le Vent, Le Cri. Programming on KFAI is supported by the French American Heritage Foundation of Minnesota, whose mission is to promote and cultivate the heritage of French language cultures. Learn about the many French American Heritage Foundation events and celebrations at fahfminn.org or on Facebook. Merci beaucoup. Programming is supported by Tech Discounts, the retail arm of TechDump. Tech Discounts helps minimize environmental impact by promoting reuse before recycling with a selection of refurbished laptops, desktops, monitors, stereo equipment, phones, parts to build your own system, and so much more. You can shop Tech Discounts in person at our brick and mortar store in Golden Valley or online at techdiscounts.org. Now we're going to listen to Les Goguettes. And the name of the song is Les gens qui doutent, people who are doubting. And the original song is Un homme heureux from William Scheller, but they redone all the lyrics based on the drama that happened in Minneapolis with George Floyd. So it's sarcastic and very sad at the same time. Then we're going to listen to French Fuse with La chanson du coronavirus, the song of the coronavirus, and Le Noiseur with Danse de Salon, dancing in a living room. And it's also referring to the coronavirus because instead of going out for dancing, people are dancing in their living room now. Pourquoi les gens qui meurent ont-ils toujours la même couleur? Si t'es un peu métisse, il ne fait pas bon croiser la police à Minneapolis. Pourquoi les gens qui meurent supportent-ils si mal la douleur? C'est quand même des petits joueurs, même pas capables de tenir 7 minutes, le poids d'un homme sur la nuque. Et on les connaît par cœur, toutes ces horreurs, si bien que ça nous écœure quand on lit dans un newspaper que c'est qu'une erreur. Trump veut calmer les heurts depuis son bunker. Il envoie les mitrailleurs tout en menaçant sur Twitter d'interdire Twitter. Dans sa tête, ils sont plusieurs. Pourquoi les gens qui meurent ont-ils toujours la même couleur? Mais c'est qu'aux USA, c'est pas chez nous qu'on verrait ça, n'est-ce pas, Camélia Jordana? Pourquoi les gens de couleur attirent autant matraque, taser? C'est que c'est dans leur nature, car on vous le jure, y a jamais eu de bavure. Parole de Castagnier. Dire que si en 2020 t'as le teint trop brun, tu crèves pour 20 balles pour un rien. Et que pendant ce temps Balkany dort à Giverny. Et moi je comprends pas vraiment, c'est étonnant. Et quand je croise des agents, il me tabasse très rarement. Tout ça parce que je suis blanc, je suis dans le camp de Didier l'Allemand. Pourquoi les gens de couleur ont-ils toujours la même valeur? bon qu'à être footballeur, vigile, rappeur, chauffeur, livreur, voleur. Et le bruit et l'odeur. Pourquoi ceux qui les tuent finissent rarement en garde à vue? Quand la justice hésite, on oublie vite quelques morts, quelques tweets. Trop de vies classées sans suite. Trop de vies classées sans suite. Mes chers compatriotes, dès lundi, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermées. Sur le parquet dans tes chaussons, veux-tu danser dans le salon? Glisser sur le parquet dans tes chaussons. On dansera encore cet été. Ciel ou plafond collé serré, encore à corps dans ce salon. On fera comme si de rien n'était. On dansera comme ça. On dansera encore cet été. Ciel ou plafond collé serré, encore à corps dans tout ça. On fera comme si de rien n'était. On dansera comme ça, juste toi et moi. Was Les Goguettes with Les Gens Qui Doutent, then French Fuse with La Chanson du Coronavirus, and Le Noiseur with Danse de Salon.

ta vie? Comment va ta vie? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faudrait qu'on m'apprenne à vivre avec ça. Comment est ma peine? La mienne s'en vient, s'en va. It was Angèle with Tu me regardes, Bertrand Belin with Glisse redresse, and Benjamin Biolay with Comment est ta peine. Bonjour, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. We have an amazing pledge drive coming back to KFAI, Summer Pledge Drive on Bonjour Minnesota. So please donate and go on kfai.org/donate. Thank you. Merci. Hi, KFAI listeners. Among all the other things that 2020 has been thus far, this year also marks the 100th anniversary of both Prohibition, no booze, and women's right to vote, or at least white women's right to vote. I'm historian and reporter Katie Thornton, and in my new radio documentary, we look at how the Minnesota women who fought against alcohol helped lay the groundwork for women's suffrage. But many of the mainstream suffrage and anti-alcohol leaders were wealthy, white, Anglo-Saxon Protestant women, and they often failed to engage women who didn't fit that bill. So, a lot of Minnesota women empowered themselves elsewhere, including in the liquor industry. Join me and my co-host Daniel Bergen this Sunday at 10 a.m. for a broadcast of A Brief History of Women in Bars, a Minnesota story in three rounds. And we'll take a big gulp of local history. KFAI is seeking new voices to help fulfill our mission of providing news and information to Minnesota's diverse communities. Paid translation opportunities are available for those who can speak and translate Spanish, Hmong, Somali, Amharic, Oromo, Tigrinya, and other languages you hear on the station. Send an email to hello@kfai.org. Or call the station during weekday business hours at 612-341-3144, extension 22, to get involved and help KFAI better reach our neighbors in the Twin Cities. When I first knew that I was moving to Minneapolis, I did a lot of research on what, you know, what radio stations were around and what I should be listening to. And I listened to KFAI for a couple of months leading up to it, streaming. And some of the music that I heard was actually really stuff that I had never heard before and was really exciting and new and really helped me to kind of look forward to coming here and to seeing all of the diversity and the cultures and the differences that exist here. My name is Alfred Walkingbull, and I listen to KFAI. Now we're going to listen to Antoine Hainaut avec Le Copain, which is a song about a guy who's always the good friend of that girl, but pretty, he got friend-zoned. Then Bertrand Burgalin avec Vous êtes ici, You're here, and Cali featuring Mathilda with Viens avec moi, Come with me. Je suis le copain qu'elle appellerait bien pour parler de l'autre. Je suis le copain qu'elle appelle lapin, mais comme tous les autres. Je suis le copain dont elle tient la main en montrant de l'autre. Ses amours anciens ou bien les prochains, toujours pas des vôtres. Je suis le copain doux et plus malin, différent des autres. Je suis le copain qu'elle verrait si bien avec tellement d'autres. Je suis le copain qu'elle se taferait bien si je n'étais qu'un autre. Je suis le copain qui lui ment si bien quand elle est en pause. Ça passera, c'est rien, il y a bien quelqu'un qui pour toi repose. Je suis le copain qu'elle colle au bassin comme de temps à autre. Sur notre chemin, son ancien crétin ramène ses roses. Je suis le copain qu'elle appelle frangin, pas comme tous les autres. Je suis le copain qu'elle verrait si bien avec celle en rose. Je suis le copain qu'elle embrasserait bien si je n'étais qu'un autre. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Je suis le copain, le fameux, le bien dont ses parents causent. Il nous verrait bien, sa mère me soutient qu'il y a quelque chose. Je suis le copain qu'elle épouserait bien, mais je ne suis pas l'autre. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Vous êtes ici, 75 013 Paris. Vous êtes ici, dans une chambre au rideau cramoisi. Vous êtes bien là, c'est bien ma chambre, c'est bien mon lit. Mais dans ma tête, je suis parti en bord de mer plutôt qu'à Paris. Vous êtes ici, au point précis de la faille spatio-temporelle, dans le turquoise rebelle qui resplendit, le turquoise aigu de nos vies. Vous êtes ici, où se reposent les loups masqués, les panthères soirs, où les horizons poudrés d'or respirent encore. Vous êtes ici, ici dans les montagnes saignantes, faites de rochers de haute lignée. Vous êtes là où je suis barré, aux forêts basculées qui ondulent en mer au loin. Il y a des îles en cheveux verts, des lits de mousse et des palmiers nacrés, sucrés du rose, où va la lune, dans les vallées d'ombre farouches, loin, loin, au loin, dans les dunes. Vous êtes ici, c'est Google Earth qui le dit. Vous êtes là, sous la grande ours. Vous êtes ici, je suis là-bas. Nous sommes toutes nous voici dans la course. Vous êtes ici. Oui. Vous êtes ici. C'est votre appli qui le dit. Au point précis de la faille spatio-temporelle, là où le temps qui passe embrase l'espace avec elle, là où le rêve demeure ici, où bat ce cœur et ce rêve galopant, de se fondre vivant dans l'instant, de se fondre vivant. Pourtant, vous êtes ici, localisé, à San Diego ou à Delhi, sur Mars ou en Pennsylvanie. Est-ce moi, est-ce toi qui rêve? Est-ce ta personne vivante qui rêve que je suis ici, là-bas d'entre les mondes, où glisser, basculer, mais au moment de tomber. Vous êtes ici. Avec moi, vous envolez. Vous vous envolez. Viens avec moi, viens avec moi. Regardez les étoiles qui tombent dans nos yeux. Viens avec moi, viens avec moi. Regardez les étoiles qui tombent dans nos yeux. Viens avec moi, viens avec moi. Je veux garder l'enfant, je veux garder la joie, je veux garder le feu et le frisson qui court et séduire une femme. Regardez les étoiles qui tombent dans nos yeux. Viens avec moi, viens avec moi. Regardez les étoiles qui tombent dans nos yeux. Et donnez-nous du vent, donnez-nous du soleil, donnez-nous de l'été. Et puis je fais un vœu, regardez les étoiles qu'elles tombent dans mes yeux. Le feu, regardez les étoiles qui tombent dans leurs yeux. Pensez aux gens qu'on aime, sourire aux amoureux. Regardez les étoiles qui tombent dans leurs yeux. Viens avec moi, viens avec moi. Regardez les étoiles qui tombent dans nos yeux. Viens avec moi, viens avec moi. Regardez les étoiles qui tombent dans nos yeux. Viens avec moi. Regardez les étoiles qui tombent dans nos yeux. Viens avec moi, viens avec moi. Regardez les étoiles qui tombent dans nos yeux. Viens avec moi. Je veux garder l'enfant, je veux garder la joie, je veux garder le feu. It was Antoine Hainaut avec Le Copain, then Bertrand Burgala with Vous êtes ici, and Kali with Viens avec moi featuring Mathilda. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis, Saint Paul, and streaming at KFAI.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Now we're going to listen to Claire Laffut avec Étrange Mélange, Weird Mix, then Isia with Chevaucher. Well, like riding, but like a horse. And it's featuring Jeanne Adet and L'Impératrice with their latest single called Fou Crazy. Quand t'étais perdu dans ton insta, je voulais juste vivre l'instant. Réponds à tous tes prétendants, on verra quand ils sont absents. C'est déjà tout ce qu'on ne sait pas. On se rapproche de tout ce qui nous sépare. Tous les chemins ne mènent pas à Rome. Tu leur vas l'italienne, baby. Étrange mélange, on fait étrange mélange. Salive des anges, suçon du diable. Étrange mélange, je fais étrange mélange. Je fais des rêves bizarres avec un soupçon de toi. Dernier DM, tu me détestes. Mon ADN reste sur ta veste. On sait déjà tout ce qu'on ne sait pas. On se rapproche de tout ce qui nous sépare. Tous les chemins ne mènent pas à Rome. Tu leur vas l'italienne, baby. Étrange mélange, on fait étrange mélange. Salive des anges, suçon du diable. Étrange mélange, je fais d'étranges mélanges. Je fais des rêves bizarres avec un soupçon de toi. Dolce Vita, des rêves partis. Je n'en reviens pas, es-tu encore en vie? Vida loca, nos rêves partis. Je n'en reviens pas, es-tu encore en vie? Étrange mélange, on fait étrange mélange. Salive des anges, suçon du diable. Étrange mélange, je fais étrange mélange. Je fais des rêves bizarres avec un soupçon de toi. J'aurais fait une autre histoire, mais nos destins se séparent. Quand l'amour fait volte-face, tu me rappelles que j'étais à toi. Dévoré par nos idées noires, sois l'ange à la beauté du diable. C'est la dérive au long périr au drame. Étrange mélange, une fête étrange mélange. Salive des anges, suçon du diable. Étrange mélange, je fais d'étranges mélanges. Je fais des rêves bizarres, avec un soupçon de toi. Plus attention, tu fais juste illusion, tu poursuis tes pulsions avant qu'elles s'évaporent. Passer les premiers frissons, passer le mur du con, t'as enfin pu dire non, et tu l'as dit très fort. Mentir pas permis, faiblir interdit, sois cool, sois poli. Dans l'ordre établi, tu cherches la sortie, bye bye les gentils. It was Claire Lafue with Étrange Mélange, Isia with Chevauché, featuring Jeanne Hadid, and L'Impératrice with Fou. Programming is supported in part by the Minnesota Department of Health, reminding you to wear a cloth mask or a face covering when you will be around others. You may be transmitting the disease without knowing it, because you can do so without you yourself having any symptoms. Be sure the mask completely covers your nose and your mouth. For more information about protecting yourself and others from COVID-19, listen to KFAI on Wednesdays at 6:30 p.m. for the special edition of Minnesota Native News, COVID-19 Community Conversations. And now we're going to talk about the events. I thought there was not that many events, but there are more than what I thought. And actually, what there is the most is movies. So the MSP Film Society have two French movies going on. There was three, but one has stopped on the 20th. But starting on the 21st, there's a movie called Stars by the Pound. In French, it's 100 kilos d'étoiles. And it's organized by, it's part of the virtual screening of the MSP Film Society. So it's an event that's on our Facebook page. We shared it, and I will keep on sharing it. And it's a French movie. While they are unable to host the annual Lumière Française Festival in the theater, they are thrilled to bring some exciting program of new French cinema. And starting on the 28th, there's going to be Alice and the Mayor. Alice et le Maire. And it's also a virtual screening, and you can watch it from the comfort of your home. Same thing, this one as a Facebook event. Then, on July 24th, it's this Friday, there's going to be Ciné Club with Camille. And this one is organized by the Alliance Française of Minneapolis-Saint-Paul, so you can get more information at afmsp.org. You need to contact them to get the Zoom link. Also, in order to help local venues, the Parkway Theatre is doing some virtual screening, and there's a Romy Schneider collection with three films, and that include César and Rosalie from 1970, directed by Claude Sautet, Les Choses de la Vie from 1972, also by Claude Sautet, and L'Importance d'Aimer from 1975. So there's a rental fee if you want to rent the three movies. It's less expensive than if you rent one at a time. You have 72 hours to watch them, so it's plenty. And it's at the Parkway Theatre website, so you can go to theparkwaytheatre.com, and I will post a link on our Facebook page. Then, another theatre in Minneapolis called the Riverview Theatre is offering more virtual cinema. Some of the selection are the new French shorts, and it's short movies in French, and I will also post it on the website. Another movie, He's Proud, and that is a movie about being gay in France in the 80s, because it was forbidden. So, same deal, I will post the link, and there's going to be access to a trailer. And then, the last one, that is in French, they have more selection in other movies that are not specifically French. This one is called Alice. It's about a woman in Paris who's getting dumped and have a life change kind of thing. So, these fees, they are like cinema fees, and they help support the local business. Again, check our Facebook page for Bonjour Minnesota, and we'll try to put the link for each of the events or each of the movies. Now, back to the music. Now we're going to listen to Soko with Blasphémie. Blasphémie is the same word in English and in French. Then the band Voyou avec Les Humains, the human beings. And the Eddy avec Au Milieu, in the middle, featuring Sopico. Disparaît mon cœur.

to KFAI online at kfai.org. Now we're going to listen to Lojo avec Balle la poussière. Then it's going to be Miossec avec En featuring Gillis and Volo avec En vérité. Here's the truth. Ou danser des morceaux de mer, des roses teintées, le matin des cailles, à la fête d'une offrande. Ou danser des morceaux de mer, des roses teintées, le matin des cales, à la fête d'une offrande. En cage, en tôle, en boîte. toi. Si je te disais que je n'ai pas pleuré, je me vanterais et tu te moquerais de moi. Que veux-tu que j'y fasse? En vérité, plus je vais, plus je m'attache à toi. Si je te disais que j'ai pu t'oublier, je mentirais et tu ne me croirais pas. Que veux-tu que j'y fasse? En vérité, plus j'essaye et moins j'y crois. Je sais que je t'aime, mais c'est tout. Je sais que je t'aime, mais c'est tout. Je sais que je t'aime, mais c'est tout. Si tu me disais de ne plus t'espérer, à présent que tu n'as plus rien à m'offrir, que veux-tu que j'y fasse? En vérité, si j'arrive à ne pas m'en souvenir, si tu me disais de ne plus y penser, et même si je voulais pour te faire plaisir, que veux-tu que j'y fasse? En vérité, je ne sais plus si je marche ou si je respire. Je sais que je t'aime, mais c'est tout. Je sais que je t'aime, mais c'est tout. Je sais que je t'aime, mais c'est tout. Je sais que je t'aime, mais c'est tout. Si l'on se disait de ne rien regretter, et même si j'ai pu me tromper quelques fois, que veux-tu que j'y fasse? En vérité, si je sais que je ne me trompe pas, si l'on se disait de tout se pardonner, et même si je pouvais pour me le faire comprendre, que veux-tu que j'y fasse? En vérité, je n'ai personne pour m'entendre. Je sais que je t'aime, mais c'est tout. Je sais que je t'aime, mais c'est tout. Je sais que je t'aime, mais c'est tout. Je sais que je t'aime, mais c'est tout. Tu m'as dit de partir et je suis parti. Tu m'as dit de vivre et je vis. Mais ce n'est pas la vie, c'est le bruit de la vie. Tu m'as dit de partir et je suis parti. Tu m'as dit de vivre et je vis. Mais ce n'est pas la vie, c'est le bruit de la vie. Je sais que je t'aime. It was Lojo with Balle la Poussière, Miossec with En, featuring Julis, and Volo with En Vérité. Bonjour Minnesota on KFAI Fresh Air. Music, interviews, event calendar, and announcements for the Francophone, Francophile community, highlighting the diversity of French-speaking culture. Tuesday, 8 to 10 p.m. 90.3 FM. Check us out on facebook.com/bonjourminnesota. Now we're going to listen to Rufus Wainwright with Pièces à vivre, Pieces to Live, then Enchantée Julia with Le Salon, The Living Room, and Bonnie Ballon avec La Lune et le Soleil, The Moon and the Sun, featuring Varnish La Piscine. Trésor que nos âmes sœurs vivent sous le même toit. Tu m'apportes bonheur. Et je te porte en moi. Et depuis on se soutient. Et toi tu me supportes, belle. Combien de mises au point et de claquements de porte. Mon chéri, fais-moi travers la fenêtre, juste après le tonnerre, au coucher du soleil, juste après la fournaise. J'ai perdu l'habitude, je cherche une ouverture vers le sable, loin de la ville, au plus vite. À travers la fenêtre, juste après le tonnerre, je ne vois que du bitume. J'ai perdu l'habitude. Au coucher du soleil, juste après la fenêtre, je ne vois que de lumière qui fume. Dans le salon, je mets les talons, je vais t'étaler. De toute façon, serre-moi un verre, mets des glaçons pour rafraîchir l'atmosphère dans ce salon. Oh, je vais dépenser mon salaire au plus près de l'eau salée. Désolé, fausse alerte, on sera mieux sous le soleil. Le téléphone est obsolète, je ne réponds pas de l'été. Je veux changer d'atmosphère, respirer un peu d'air. Les yeux rêvent des grands bleus, cheveux au vent dans les yeux. Il pleut des fleurs du haut des falaises. Je compte plus les heures assis sur ma chaise. Vers la fenêtre, juste après le tonnerre, je ne vois que du bitume. J'ai perdu l'habitude. Au coucher du soleil, juste après la fenêtre, je ne vois que des lumières qui fument. Serre-moi un verre, mets des glaçons pour rafraîchir l'atmosphère dans ce salon. Serre-moi un verre, mets des glaçons. Besoin de rafraîchir l'atmosphère. Au fond, peu importe, donne-moi raison. It was Rufus Wainwright avec Pièce à vivre, Enchantée Julia with Le Salon, and Bonnie Banane with La Lune et le Soleil featuring Varnish and Les Piscines. Now we're going to listen to Yell avec Je t'aime encore, I still love you. Then it's going to be Bolide, Bolide is a fast car in French, avec Vis-à-vis, Face to Face, featuring Ella, and Clara Luciani avec La Baie, The Bay, like by the sea. Je n'ai plus envie de franchir le pas de ma porte et Je connais tous les habits qu'elle porte, yeah. Si tu m'aimes aussi, pourquoi tes yeux sont si noirs? Quand tu me vois glisser dans mes plus beaux peignoirs. La nuit, j'éteins mes selles, prêt à sauter. Mais mon cœur, c'est un canter. Referme ses volets. Oh, dis-moi, pour toi, je suis rien de plus qu'une silhouette, un mirage. J'ai fait le tour de la ville pour oublier ton visage. Toi et moi, ça n'existe pas. Toi et moi, ça n'existe pas. Ça fait longtemps que j'y pense. J'contracte mes abdos le dimanche. Toi et moi, ça n'existe pas. Toi et moi, ça n'existe pas. Arrête de faire semblant que tu m'ignores. Tu vois clair dans mon jeu, t'es mignon. Moi, j'suis fasciné. Te fâcher facilement. Moi, j'suis décidé. Et j'lâcherai pas maintenant. Un cœur c'est rapide à casser. 3 mètres c'est facile à sauter. Fenêtre ouverte sans m'attacher. Un jour je passerai de l'autre côté. Je l'ai vu, j'en ai rêvé, c'est sûr. C'est près de la ligne d'arrivée, c'est dur. Je nageais dans le bonheur. Elle doit déménager de bonheur. Tu pars en voiture à Venise, loin de mes yeux. Mon cœur est dans ta valise, dans un paquet tout bleu. Mais la vie est bien faite, il fallait qu'on s'arrête. C'est mieux pour tous les deux. Toi et moi ça n'existe pas. Toi et moi ça n'existera pas. Ça fait longtemps que j'y pense. Je contracte mes abdos le dimanche. Toi et moi ça n'existera. Toi et moi ça n'existera pas. Arrête de faire semblant que tu m'ignores. Tu vois clair dans mon jeu, je t'ignore. Toi et moi ça n'existera. Toi et moi ça n'existera pas. J'ai vu les joues humides, le nouveau locataire. L'amour à sens unique, c'est tout un savoir-faire. Toi et moi ça n'existera. Toi et moi ça n'existera pas. J'aime bien tes yeux, même sans couleur. Y'a que toi que je veux dans mes couloirs. Tu viens? C'est un pont perdu sur l'Atlantique. C'est exotique, c'est exotique. C'est un grand secret sous les palmiers. C'est fantastique. Je pourrais te montrer. Pour y aller, c'est très facile. Ferme les yeux et laisse le centre mêler tes cils. Déjà, nous y voilà. Bienvenue sur la terre. Thank you. It was Yael with Je t'aime encore, Bolide with Vis-à-vis, featuring Ella, and Clara Luciani with La Baie. Now we're going to listen to Malik Judy avec Folie Douce, featuring Juliette Armanet. Folie Douce is like soft craziness. Then it's going to be Alexis HK avec La Fille à Pierrot, and it's alive, Pierrot's Daughter. Then it's going to be Ali Danel avec Je pense à toi, I'm thinking of you, and Dadju with Grand Bain, Big Bath. Folie douce au carré, folie douce, je te vois, tu ne m'as jamais assez. Ça s'entend, je me retourne, je t'aperçois. Folie douce au carré, folie douce, je te vois. C'est bon, j'en ai assez. Elle est belle, la fille à Pierrot. Oui, je sais, en français, on dit la fille de Pierrot. Oui, mais elle, c'est la fille à Pierrot. Tout le monde l'appelle la fille à Pierrot. On n'ose pas prononcer son prénom de peur qu'il se grave trop profondément dans le cœur. On voit des vieux loups de mer intimidés qui baissent les yeux et rougissent sous leur bonnet. on en parle pendant l'apéro. Y'a René qui voudrait marier la fille à Pierrot, s'il pouvait lui mettre l'anneau. En plus, il deviendrait le gendre à Pierrot, il voudrait bien lui tresser des colliers de fleurs. Il voudrait la protéger des bonnies menteurs. Mais les autres se sont mis à rigoler. La fille à Pierrot, elle peut pas épouser René. D'abord, il a le nez trop gros et n'a pas pour autant les talents de Cyrano. Et puis, il est plutôt jeuneau. Contrairement à la fille à Pierrot, il vaut mieux admirer la beauté en fleurs que de vouloir l'enfermer tout au fond du cœur. Le temps passe et les visages burinés se contentent d'un soupir en la voyant passer. Allez messieurs, chauffez-moi cela et faites-moi définitivement basculer ce spectacle du côté positif de l'existence dans une France qui va bien. On n'ose pas contempler son chignon de peur, qu'il se détache et s'attache tout au fond du cœur. Mais les autres ont arrêté de rigoler. La fille à Pierrot, elle a fait la bise à René. Elle est belle, la fille à Pierrot. Oui, je sais, en français, on dit la fille de Pierrot. Oui, mais elle, c'est la fille à Pierrot. Et tout le monde en rêve de la fille à Pierrot. Je pense à toi, mon amour, ma chérie, ma chérie. Mon amour, ma chérie, ma chérie. Ma chérie, je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie, ma chérie. Quand je suis dans mon lit, je ne rêve qu'à toi. Et quand je me réveille, je ne pense qu'à toi. Quand je suis dans mon lit, je ne rêve qu'à toi. Et quand je me réveille, je ne pense qu'à toi. Certains t'ont promis la terre, d'autres te promettent le ciel. Certains t'ont promis la lune, et moi je n'ai rien que ma pauvre guitare. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie, ma chérie. C'est elle qui me faut, je dois la présenter à Yem. M'aimeras-tu quand je serai fauché comme à l'ancienne? Soit moi Elvira, soit ma Cardi, je serai ton off. C'est plein de choses qu'on ne dira pas pour peur de faire foirer les projets. C'est nous deux ou bien rien jusqu'à la fin.